Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace Radio. L'Agence spatiale européenne s'apprête à lancer dans quelques semaines l'une des missions phares de la décennie. La sonde Gaïa, pendant 5 ans, sera chargée de cartographier plus d'un milliard d'étoiles de notre galaxie, avec une précision diabolique pouvant atteindre 7 microsecondes d'arc. C'est l'équivalent de l'épaisseur d'un cheveu vu à 4000 km. Alors, quelles sont les avancées scientifiques que l'on peut attendre de cette mission à plusieurs centaines de millions d'euros? Quel est le rôle de la France dans Gaïa et quelles sont les équipes scientifiques françaises qui y contribuent? Olivier Lamarre, le responsable du programme Astronomie et Astrophysique au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, a bien voulu répondre à nos questions. Olivier Lamarre, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, nous sommes, je l'ai dit, à quelques semaines du lancement de Gaïa, dans la dernière ligne droite. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui la date précise du lancement? Non, on ne connaît pas la date précise parce que ça, c'est Arianespace qui va fixer la date en fonction des autres lancements qui sont très chargés en fin d'année. Ce qu'on sait, c'est que le satellite va être prêt, il va être envoyé là dans les prochains jours à Kourou. Donc de ce côté-là, on est prêt. Par contre, bon, après, on s'attend à ce que ce soit autour de probablement novembre. Alors, il sera lancé par une fusée Soyouz Frégate en direction du point L2 de Lagrange. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où est situé ce point L2 qui est très convoité et très souvent utilisé pour les missions spatiales? Alors, ce point L2 est situé à environ 1 500 000 km de la Terre, dans la direction opposée du Soleil. Et c'est effectivement un point très apprécié des astronomes, puisque il est stable, c'est-à-dire qu'on peut y mettre des satellites qui vont rester sur ce point, enfin tourner autour de ce point pendant des années sans avoir besoin de correction d'orbite. Et surtout, comme il est loin du Soleil et de la Terre, il subit très peu ou quasiment pas de perturbations thermiques journalières ou saisonnières, très peu de lumière parasite, pour peu qu'on observe évidemment dans la direction opposée. Donc effectivement, Herschel, Planck, Gaïa sont des missions L2. Alors, on vous l'avait dit, on n'a pas donc de perturbation thermique à ce point L2, et pour Gaïa, c'est spécialement important. Donc, j'ai dit que c'était une mission de cartographie des étoiles de la galaxie, avec une précision absolument fascinante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, justement, la précision requise, et quels sont les instruments utilisés pour cartographier donc ce milliard d'étoiles de notre Voie lactée? Oui, tout à fait. La précision requise, elle est d'environ 10 microsecondes d'arc. Donc, comme vous le disiez, c'est un cheveu à 4000 km. C'est aussi une pièce de 1 ou 2 euros sur la Lune, vue depuis la Terre. Donc, l'objectif, c'était de faire un grand bond en avant par rapport aux catalogues existants qui sont issus de la mission Hipparcos. Donc, on fait en gros 100 fois mieux. Alors, pour faire ça, on a deux télescopes à bord et le satellite tourne, est en rotation lente et balaye tout le ciel. Et tous les objets qui passent dans les champs de vue des télescopes leur position est mesurée avec précision. Donc, ça comprend bien sûr un grand nombre d'étoiles, mais également des quasars de galaxies lointaines, des planètes du système solaire, les lunes des planètes du système solaire, les astéroïdes, etc. Pour obtenir cette stabilité, cette précision, il faut bien évidemment que ces télescopes et le plan focal qui fait ces mesures ne bougent pas dans le temps, ou en tout cas bougent d'une façon parfaitement mesurable, parce qu'évidemment, on se doute bien que s'ils se tordent de 10 microsecondes d'arc, on a perdu la précision qu'on cherchait. Donc pour ça, c'est un instrument extrêmement complexe et qui est réalisé entièrement en carbure de silicium. C'est une première, c'est Astrium à Toulouse qui a réalisé ça. Donc c'est l'ensemble de la charge utile, la structure qui tient le télescope lui-même, les miroirs, la structure du plan focal sur lequel sont alignés tous les détecteurs de type CCD. Tout est entièrement en carbure de silicium, qui est un matériau extrêmement stable thermoélastiquement, c'est-à-dire qui est très très peu sensible aux variations de température, et en plus, comme on l'a dit, on met tout ça dans un environnement extrêmement stable thermiquement, et c'est à ce prix-là qu'on obtient cette précision extrêmement fine. Alors, on peut revenir sur les objectifs scientifiques. Donc, vous l'avez dit, finalement, Gaïa va identifier, cartographier tout ce qui passe dans son champ, donc ça va bien au-delà finalement des étoiles. Vous avez parlé de planètes extrasolaires et même d'objets du système solaire. Est-ce qu'on peut lister un petit peu tous les domaines de l'astronomie dans lesquels on s'attend à ce que Gaïa fasse faire des progrès? J'ai envie de dire tous. je vais effectivement lister ce qu'il faut bien comprendre, je pense, c'est que Gaïa, c'est une mission très particulière. C'est pas un observatoire comme Herschel ou Hubble. C'est une mission de relevé qui va fournir une brique de base utilisée pendant des dizaines d'années par tous les domaines de l'astrophysique et même côté système solaire de la planétologie. Effectivement, l'un des objectifs phares que tout le monde attend, c'est la cartographie de la galaxie, avec plus d'un milliard d'étoiles de la galaxie, donc sur une zone représentative de la galaxie, typiquement la moitié, peut-être plus, qui vont être localisées avec cette précision. Leur vitesse va être mesurée, donc localisée en trois dimensions. En trois dimensions, ça c'est assez. En trois dimensions, et c'est ça qui est une. Je ne dirais pas une nouveauté, parce qu'Hipparcos l'avait fait, mais à cette échelle, sur ce nombre d'étoiles et avec cette précision, ça c'est vraiment une nouveauté, une avancée scientifique. Donc, l'évolution de la galaxie, c'est-à-dire comment se sont formés les différents bras, les barres au centre de la galaxie, puisqu'on va voir les vitesses, on voit d'où viennent les étoiles, où elles vont. Combiné avec d'autres mesures, type coraux par exemple, pour certaines zones, on a les âges de ces étoiles, donc on va remonter à l'histoire de la galaxie. Koro, qui était un satellite du CNES aussi, qui a étudié aussi de nombreuses étoiles, c'est ça? Voilà, Koro a observé des étoiles à la fois pour rechercher des planètes extrasolaires et pour étudier le fonctionnement interne de ces étoiles en mesurant les vibrations d'étoiles. Et ça a permis en particulier de mesurer leur âge avec précision en ce qui concerne les géantes rouges, qui sont des étoiles très brillantes et très répandues dans la galaxie. Donc, combiné aux mesures de Gaïa, on aura l'âge par Koro pour ces données-là et la position, la vitesse de ces étoiles. Donc, un des exemples, c'est toute cette physique galactique qui est importante. Au-delà de ça, il y a des objectifs qui sont peut-être plus inattendus, et notamment Gaïa va également faire de la cosmologie, en tout cas aider la cosmologie, en calibrant les échelles de l'univers. Alors pourquoi ? Parce que quand on regarde des étoiles dans notre galaxie, on peut, comme Gaïa, avec une grande précision, faire une mesure de parallaxe, c'est-à-dire qu'on fait une mesure de la position sur le ciel de l'étoile, et puis on recommence 6 mois plus tard, et comme le satellite s'est déplacé avec la Terre sur son orbite, on a un angle de vue de l'étoile, par rapport notamment aux autres étoiles, qui a un peu changé. Et ce changement, hein, c'est comme si on se déplace sa tête par rapport à un objet fixe qu'on regarde, ce changement dépend de la distance à l'objet. Donc on peut remonter ainsi à la distance de l'étoile. Et ça, c'est une mesure absolue, non biaisé, ce qui est très important, parce que pour ce qui est des distances hors de la galaxie, là, on a besoin de faire appel à ce qu'on appelle des chandelles standards, c'est-à-dire que des objets lumineux dont on connaît une relation entre un paramètre qu'on peut mesurer, par exemple la luminosité absolue ou la période de variation si c'est des objets variables, et la luminosité absolue est un paramètre qu'on peut mesurer. Par exemple, les céphéides, qui sont des objets variables, on connaît parfaitement la relation entre la luminosité et la période de variation. On mesure la période de variation, on mesure la luminosité apparente, et on peut en déduire la luminosité absolue, et donc la distance. Ça c'est vrai aussi pour les supernovas par exemple, et cette mesure donc dépend de cette relation, donc il faut connaître très finement cette relation, parce qu'on voit que si on se trompe de quelques pourcents sur cette relation, quand on observe des céphéides ou des supernovas à très grande échelle dans d'autres galaxies, ben on va se tromper d'autant de pourcents au moins sur les échelles dans l'univers. Or on sait qu'on est aujourd'hui avec les projets par exemple concernant l'énergie noire, on est en train d'essayer de cartographier l'univers et de remonter à son histoire avec une grande précision. Donc on voit qu'on a besoin de cette précision. Donc Gaïa va calibrer ces relations de absolu sur les étoiles de la galaxie, les céphéides de la galaxie, avec une très grande précision puisqu'il a une mesure absolue. Vous voulez dire que pour donc observer la distance d'une galaxie lointaine, il faut d'abord avoir été capable, dans notre propre galaxie, d'avoir mesuré précisément la distance d'un certain type d'étoile qui est donc les céphéides dont vous parlez. Les céphéides, par exemple. Les supernovas également. Malheureusement, on a très rarement des supernovas dans notre galaxie. En revanche, on en a dans les galaxies voisines qu'on va observer également. Mais c'est un exemple. Il y a plusieurs chandelles standards. Donc on comprend bien l'aspect fondamental de la mission Gaïa, puisque là on est à la base de toute l'échelle des distances dans l'univers. Il faut qu'on comprenne d'abord comment ça se passe près de chez nous, et Gaïa nous permettra de le faire. J'ai noté aussi que, enfin vous en avez d'ailleurs parlé un petit peu, que Gaïa pouvait même nous faire quelques progrès concernant les planètes extrasolaires. J'ai noté un chiffre assez étonnant, on s'attend à découvrir 10 à 20 000 planètes extrasolaires avec Gaïa. Oui. Oui, et ça, c'est dû au déplacement provoqué par une planète sur son étoile. Dans notre système solaire, le Soleil, vu par un observateur lointain hors du système solaire, se déplace. Il fait des sortes de petits épicycles. Alors, c'est très petit, mais c'est mesurable. Et c'est provoqué par l'attraction gravitationnelle des planètes, principalement dans notre système solaire, Jupiter et Saturne. Donc, ce déplacement du Soleil est typiquement dans la gamme de ce que peut mesurer Gaïa. Ce qui veut dire qu'en mesurant des dizaines de fois, à plusieurs années d'intervalle, la position, avec une grande précision, des étoiles dans la galaxie, ben, celles qui ont des planètes suffisamment grosses pour les faire se déplacer de façon significative, eh ben, Gaïa va voir ce déplacement périodique et va pouvoir en déduire la présence d'exoplanètes et sans doute, au moins dans un grand nombre de cas, avoir des indications sur peut-être le nombre d'exoplanètes concernées et leur masse. Gaïa verra osciller sur le ciel les étoiles, c'est ça ? Tout à fait. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on fait en vitesse radiale. On mesure l'oscillation des étoiles provoquées par leur planète. Simplement, la vitesse radiale, on regarde l'oscillation sur l'axe qui nous joint à l'étoile, alors que Gaïa, ça va être le déplacement latéral sur le ciel. Alors Gaïa pourra aussi faire des progrès en physique fondamentale. J'ai lu aussi que 500 000 quasars allaient être mesurés. Donc les quasars, il faut rappeler que ce sont ces objets extrêmement brillants. On pense que ce sont des trous noirs au centre des galaxies, mais qui servent de référence à la cartographie de l'univers, c'est bien ça ? Oui, ce sont ce qu'on appelle un peu des sondes. Ce sont des objets, comme ils sont extrêmement brillants, qui peuvent être observés à grande distance. On peut les observer dans de nombreuses longueurs d'onde, notamment en radio, au moins certains. Et effectivement, ils servent également à l'échelle des distances dans l'univers. Et puis, intrinsèquement, ils sont également extrêmement intéressants, parce que ce sont des objets très exotiques. La détection et la localisation de ces objets jouera aussi un rôle important. Alors, vous avez dit que nous avions plusieurs instruments sur Gaïa. Trois, je crois, certains consacrés à l'astrométrie, c'est-à-dire le déplacement des étoiles. Quels sont les deux autres types d'instruments embarqués sur la sonde ? Alors, outre l'astrométrie, on a un photomètre et un spectromètre. Alors, en fait, ce ne sont pas vraiment trois instruments distincts, ce sont, dans le même plan focal, trois blocs de détecteurs de type CCD qui sont juxtaposés les uns après les autres. Et comme Gaïa balaye le ciel, les objets du champ de vue défilent lentement d'un côté, d'un bord à l'autre du plan focal, et donc passent successivement sur les détecteurs d'astrométrie, puis sur les détecteurs de photométrie, puis sur les détecteurs de spectrométrie. Donc la photométrie des objets va bien sûr être en premier lieu destinée à mesurer l'éclat apparent des objets, en particulier des étoiles, mais également des astéroïdes, donnant des indications sur leur albédo, donc sur leur état de surface. Elle va également donner des indications un peu moins précises, mais sur le décalage spectral, hein, puisqu'on mesure dans plusieurs bandes photométriques, dans plusieurs couleurs. Donc ça va donner des indications sur leur vitesse par rapport à nous. Et le spectromètre, qui est la dernière barrette de détecteur qui est sur le côté, est principalement destiné à mesurer les vitesses radiales, donc la vitesse relative à nous, sur l'axe de visée des objets. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis le sol également, mais là sur cette échelle, sur toute la galaxie, ça ne pouvait être fait que sur le qu'à bord du satellite. Donc on a ce spectromètre qui va mesurer avec une assez bonne résolution la vitesse radiale des étoiles et des objets, et au passage, comme il va faire des spectres, on peut bien sûr en déduire le décalage spectral de ces spectres, mais tant qu'à faire, on va également en tirer plein d'informations très utiles sur la physique de ces objets. Par exemple, pour les étoiles, on va détecter des raies particulières, type calcium ionisé par exemple, etc., qui sont des traceurs très intéressants pour en savoir plus sur l'étoile, par exemple son taux de métallicité. sa masse, sa luminosité intrinsèque, etc. Donc ce n'est pas seulement la position des étoiles qui va intéresser la mission Gaïa, mais aussi la physique elle-même des étoiles et leur constitution. Tout à fait, des étoiles et également des autres objets, astéroïdes, planètes, etc. Alors dans Gaïa, la participation française est massive, hein, il y a pratiquement, plus d'une centaine de chercheurs qui ont participé ou qui participent à cette mission. D'ailleurs, on peut citer les laboratoires. Il y a l'Observatoire de Paris qui est impliqué, l'Observatoire de la Côte d'Azur, l'Observatoire de Besançon, de Bordeaux, de Strasbourg, l'Institut d'astrophysique de Paris et le Laboratoire Univers et Particules de Montpellier. Donc, on a une couverture vraiment importante sur cette mission. Et par ailleurs, le CNES est en charge de l'un des centres de calcul de la mission, avec d'ailleurs du pain sur la planche, d'après ce que j'ai noté. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu l'implication du CNES dans Gaïa? Oui, tout à fait. Alors, pour situer le contexte, le satellite est entièrement fait par l'ESA. Le traitement des données au sol, qu'on va le voir, est extrêmement complexe, est confié à un consortium de laboratoires et d'instituts européens, financé donc par les agences nationales. Et ce consortium, qui s'appelle le DEPAC, Gaïa Data Processing and Analysis Consortium, regroupe plus de 400 membres, donc vous l'avez dit, une centaine en France. Et dans ce DEPAC, les instituts se sont répartis les tâches pour faire le traitement informatique de ces données. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le volume des données qui va descendre est gigantesque, hein, ce sont des gigabytes, des dizaines de gigabytes par jour. Et au-delà du volume, le traitement scientifique qu'il y a à faire pour extraire les positions, les vitesses, les températures, etc., est extrêmement compliqué. On a énormément d'objets singuliers, des étoiles doubles, triples, des objets étendus, des objets du système solaire qui sont défilants, donc qui vont avoir une trajectoire visible. Donc, donc les algorithmes sont extrêmement sophistiqués. Et donc il y a eu un choix d'architecture qui a été fait, qui est de répartir cette énorme quantité de calculs sur un certain nombre de centres de traitement en Europe, avec chacun faisant un morceau. Les algorithmes, les logiciels scientifiques sont faits par les laboratoires, et puis ensuite installés, testés et opérés sur ces centres de calcul. En France, on a donc tous les laboratoires que vous avez cités qui développent une partie de ces chaînes scientifiques, hein, une partie importante, hein, la France on peut le dire, en première position, on va dire, à égalité peut-être avec l'Italie sur cet effort. Et le centre de calcul, le supercalculateur qui va héberger ces chaînes, est au CNES Toulouse. Donc c'est une on dit un supercalculateur, mais c'est plus compliqué que ça, c'est une infrastructure de calcul qui va être complétée au fur et à mesure que le volume de données augmente. Donc il y a eu tout un effort de dimensionnement et d'architecture de fait, de façon à ce que à pouvoir prendre en compte les évolutions à venir, le côté cyclique, puisque ces traitements sont itératifs, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les données arrivent, il faut tout retraiter depuis le début. Donc cet effort est fait par le CNES Toulouse, qui est donc membre à part entière du DEPAC. Donc le CNES a finalement un double rôle. Il a des ingénieurs qui mettent au point cette infrastructure de calcul et l'intégration des logiciels scientifiques, hein, qui est une opération délicate. Et puis, d'autre part, le CNES agence, hein, finance les laboratoires, soutient les laboratoires, avec le CNRS, bien sûr, engagé dans cet effort, on l'a dit, hein, qui représente pratiquement une centaine de scientifiques et d'ingénieurs des laboratoires. Alors, vous l'avez dit, effectivement, il y a une difficulté inhérente à Gaïa qui regarde tout le ciel, c'est effectivement de classer les objets. Ça a l'air de rien, mais effectivement, faire la différence entre une étoile, un astéroïde, un quasar, c'est pas évident. Ça représente un effort important dans la mission, ce travail de classification, de savoir ce qu'on regarde. Oui, c'est très important. Et puis, comme pour beaucoup de traitements à faire sur Gaïa, le problème, c'est qu'on ne peut pas se dire « Oh ben, si ça marche pas bien, on va se mettre à trois autour de trois PC et puis on va le faire à la main. » On parle de milliards d'objets. Il faut que ce soit entièrement automatisé, entièrement fiable, puisque tout ça, derrière, ça va être livré à la communauté. Donc effectivement, il y a une étape de classification qui est l'un des traitements du DEPAC qui est important. Et il y a derrière un traitement spécifique qui est réservé aux objets singuliers que cette classification aura relevé, c'est-à-dire que tous les objets étoiles simples, etc., qu'on connaît bien, ils vont passer dans le pipeline, ce qu'on appelle le pipeline de traitement. Les autres, ils sont mis de côté et envoyés à une CU qui est un petit peu voiture balai, qui va récupérer toutes les choses un peu bizarres qui ne sont pas passées dans le filtre standard, et c'est là qu'on va retrouver justement les objets du système solaire défilant, des objets peut-être avec une émission étendue, les étoiles multiples, etc. Et c'est justement l'un des rôles importants des laboratoires français, porte sur le traitement de ces objets singuliers. Combien de temps va durer d'ailleurs le traitement ? La mission, l'observation durera je crois 5 ans au minimum, enfin c'est la mission nominale. Le DEPAC sera en fonctionnement autant que la mission, ou est-ce qu'il devra fonctionner plus longtemps ? Comment ça va se passer ? Alors, normalement, le planning des livraisons, parce qu'il y aura des livraisons de catalogue intermédiaires, le planning des livraisons est fait de façon à ce qu'au fur et à mesure de ces 5 ans, une partie des données soit progressivement publiée par l'ESA et donc mise à disposition de la communauté. La dernière livraison de toutes les données traitées depuis le début, donc les données finales avec la précision finale, etc., est prévue quelques mois après la fin de ces 5 ans. Donc ça veut dire que le DEPAC doit fonctionner au moins jusque-là. Bon, dans la pratique, on a l'expérience de missions type Planck, par exemple, récemment, où on sait que cet effort est important, puisqu'à la fin, quand on va aller chercher les derniers pourcents de précision, essayer de corriger les derniers petits effets des détecteurs à bord qu'on n'aura pas anticipé, qu'on n'aura pas vu au sol, parce qu'il y en aura toujours, les effets peut-être de vieillissement, et qu'on va essayer de corriger ça au sol par des méthodes algorithmiques qu'il faudra mettre au point, on s'attend quand même à ce qu'il faille maintenir l'effort un peu plus longtemps que les opérations. Typiquement, on prévoit 2 ans, peut-être un peu plus au-delà de la mission nominale, qui elle-même peut être étendue si le satellite fonctionne bien et que la communauté et l'ESA estiment qu'il y a un intérêt à poursuivre les relevés, puisque on voit bien que plus on multiplie les mesures, plus on améliore la précision des positions, des vitesses, tout ce qui est périodique, type exoplanète, on va enrichir les données, donc effectivement, ça aura sans doute un intérêt, donc on s'attend aussi, en plus, à une possible extension de mission. On voit que les missions ESA, ces derniers temps, fonctionnent très bien, et bien plus loin que leur durée de vie initiale. Donc vous avez au moins du pain sur la planche pour au moins 5 voire 6, 7 ans et pour autant d'ailleurs au CNES, les missions d'astronomie et d'astrophysique, il y en a plusieurs, en ce moment à côté de Gaïa, qu'est-ce qui va être important pour le CNES en mission spatiale d'astronomie et d'astrophysique dans les mois ou les années qui viennent? Alors si on parle de l'astronomie astrophysique, c'est-à-dire que dans le découpage CNES on met un petit peu de côté le système solaire, la physique solaire. L'activité astro au CNES va être quasiment exclusivement consacrée aux missions en coopération avec l'ESA ou avec la NASA. Donc là, on termine avec bien sûr les laboratoires le traitement des données Planck, avec une nouvelle livraison qui est prévue l'année prochaine. Les Herschel s'est arrêté, mais il y a encore beaucoup de données à traiter, donc il y a un effort qui est maintenu pour l'exploitation scientifique, mais aussi pour le service à la communauté, puisqu'on a des laboratoires qui ont conçu et développé une partie des instruments. Donc ça, c'est un petit peu la queue de poussée, mais qui va durer encore pendant plusieurs années sur Herschel Planck. On a Corot qui s'arrête, mais également, on a encore typiquement sans doute au moins deux ans de traitement pour mettre au point les données, détecter les dernières pépites dont on espère qu'il y en a encore dans les données. Ça c'est les missions qui se terminent, je dirais, mais qui représentent encore du travail. Après, on a donc bien sûr Gaïa, et puis on a MIRI. MIRI est un des 4 instruments du James Webb Space Telescope, le successeur de Hubble aux États-Unis, grand télescope de la NASA. Deux des instruments sont faits en grande partie par l'Europe, NIRSPEC par l'ESA et MIRI par un consortium de laboratoires européens, avec une grosse contribution française. Donc l'instrument MIRI a été livré à la NASA en 2011. Il s'agit maintenant de l'intégrer dans le satellite, de faire tous les essais, etc. Donc on continue à avoir une activité de soutien des laboratoires qui sont engagés là-dedans. Et puis, l'autre grosse étape qui nous attend au-delà de MIRI, puisque JWST, c'est un lancement en 2018, c'est Euclide. Donc là, c'est la matière noire, l'énergie noire, caractérisation de l'énergie noire, avec un lancement prévu en 2020, une petite mission de l'ESA également, mais avec une très grosse contribution de la France. La France dirige le consortium qui fournit les deux instruments scientifiques et le séquenceur de traitement qui sera au moins aussi compliqué que celui de Gaïa, sinon plus. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup Olivier Lamarle d'avoir accepté notre invitation et puis bonne chance donc pour le mois de novembre et le lancement de Gaïa.